10, 9. We have ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, 0. Et oui, c'est achevé. On t'a laissé déguster ce que t'as eu dans le premier. Mais le deuxième, c'est pas le même. C'est un talent plus et puissance 10. C'est un malade à gorge, c'est un chasseur, c'est une lère. Et oui, la bombe artisanale à la bombe atomique. Les rimes se suivent, ils forment un bulletin qu'on veut s'enfin. La nature nous a tous fait là, et non l'ira en la tuant. Tu crois que dans les faits divers, quelques jeunes tués quand se boissons alcoolisés. Ou lâche Bernard, Péristophe, tout le reste en or. C'est de la grosse merde pour les jeunes qui boivent ça comme un sirop. Sauf ça deviendra des alcoolos, des accros. Il ne faut même pas y penser, car la chose la plus moche, c'est de penser à celle qui te fauche. Allez, parlons de Roland. Ce matin, jour sombre, de pénombre, de personnes en nombre, dans le métro blindé. Il est 8h30, l'heure du calme et l'heure du drame. Tout le monde le sait, mais tout le monde se tait. Car il peut rôder un kamikaze armé, blindé, prêt à se faire sauter. Lui, il s'en fout de sa vie, de sa famille, de ses amis. Juste un bout après les OJ, il a tout fait niquer, fait sauter, fait péter des milliers. Et oui, le JO de merde, ont foutu en l'air des millions d'euros. Pour augmenter nos bourses à Paris. Ce sera prélevé sur nos impôts. Alors que 2012 s'est cassé à Drelon. Finir avec des bombes entre mes. Peut-être que nos phrases te rappellent des zik, d'autres chanteurs. C'est tout à fait logique, car on peut chanter que la haine et la merde. Il n'y a que celle qui règne. Et lui avec James, nous on passe tout fort. Parce que tout le monde passe tout bas. Ce monde bouge pas, c'est monotone, ça m'étonne. Et oui, moi je viens du sud. Alors dis-moi si l'accent je l'ai. Je suis HP prêt à percer. Je représente les jeunes de France, les jeunes en détresse. Je vous rappelle que c'est là que je suis éclaté. Parce qu'avoir la clarté, celle du ciel, celle du chemin sans fin. À ton âge, tu commences à droguer, à vouloir faire comme dans les films. Quand tu sors ton 12 au lieu d'aller en 12. Il y en a beaucoup qui ont parlé. D'autres qui l'ont frôlé, ne veulent pas toucher le parapet. Aujourd'hui avec ma famille, les moyens sont là, mais en vain. Trimer comme ça, je pourrais pas. Il sort le matos pour aller braquer et me taillos. Une voiture, payer ma nourriture. C'est toujours pas la solution, car c'est le procureur qui me donnera toutes ces horreurs, celles de la zonzon. Et pense que dans la vie, tout le monde est d'une couleur différente. C'est comme en peinture, il faut mélanger pour faire une œuvre d'art. Alors n'oublie jamais que c'est comme ça la vie. Alors prends conscience pour pouvoir libérer ta conscience. Fustaillard, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria, Tizaria